ne t'aimais point, sensible à tout blâme. J'aspirais ma chair à briser tous les cœurs. Mais j'avais sur la bouche un jour plus de femme. Qu'une abeille à la butine de fleurs. Si je ne t'aimais point, je ne gronderais pas. Lorsqu'un fâché ami te conduit au théâtre, à toute promenade accompagne tes pas, ou désire la main, prévois ton sein d'ablâtre. Si je ne t'aimais point, je ne souffrirais pas. Lorsque de la douceur tes beaux yeux se dépare, et que dès le moment où naissent les lilas, les vacances d'été, pourquoi moi nous sépare. Oui, mais tu le sais trop clairvoyant ami, si je ne t'aimais point, comment je serais là. Et puisque ton sourire est ma raison de vie, si je ne t'aimais point, je n'existerais pas.